Bonjour tout le monde. C'est l'heure du japonais en douceur de NHK World Radio Japon. Je suis Adrien Lachance. Je suis Mélanie Marx. Découvrons ensemble le plaisir d'apprendre le japonais. Aujourd'hui, nous apprendrons la leçon 2. La phrase clé du jour est... これは何ですか? Qu'est-ce que c'est? Dans la leçon 1, notre personnage principal, Anna, une étudiante internationale originaire de Thaïlande, s'est présentée à Sakura, sa tutrice, et également étudiante à la même université. Dans la leçon 2, Anna et Sakura poursuivent leur conversation. Écoutons maintenant le sketch de la leçon 2. La phrase clé est... これは何ですか? Qu'est-ce que c'est? さくらさん、はい、どうぞ。 これは何ですか? それは、タイのお土産です。 ありがとうございます。 どういたしまして。 Nous allons maintenant vous expliquer ce sketch. Anna a remis quelque chose à Sakura. Sakura-san. Anna parle à Sakura. Lorsque vous appelez quelqu'un par son nom en japonais, vous ajoutez le terme honorifique « san ». Monsieur, madame ou mademoiselle après le nom. Donc, je vous dis « la chance san », c'est bien ça? C'est bien ça, Marx san. Par ailleurs, vous pouvez dire « chan » après le nom d'une petite fille et « kun » après celui d'un petit garçon. Ces termes sont habituellement utilisés pour les enfants qui ne fréquentent pas encore l'école élémentaire. はい、どうぞ。 Ceci est pour vous. Vous dites cela lorsque vous offrez quelque chose à quelqu'un. Dans ce contexte, vous dites はい pour attirer l'attention de la personne à qui vous parlez. どうぞ signifie s'il vous plaît. Quand vous dites どうぞ vous allongez le O de la voyelle de do. Prononçons-le. どうぞ Sakura ne sait pas ce qu'elle a reçu, alors elle dit これは何ですか? Qu'est-ce que c'est? C'est la phrase clé du jour. これ signifie ceci. Ce mot est appelé un démonstratif et il sert à indiquer une chose proche de la personne qui parle. は est la particule indiquant le sujet. 何ですか? Signifie qu'est-ce que? Vous demandez ce qu'est la chose. 何 signifie « quoi ». Il forme une proposition avec « des »,« ka » est une particule. Si vous l'ajoutez à la fin de la phrase et que vous prononcez la phrase en haussant l'intonation, vous posez une question. « これは何ですか ?» est une expression très utile. Anna répond 「それはタイのお土産です。」 C'est un souvenir de la Thaïlande. Anna donne à Sakura du savon thaïlandais. それ est un démonstratif qui indique une chose située près de l'interlocuteur. Je vois. Maintenant, le souvenir est entre les mains de Sakura. Donc, Anna dit « それ », n'est-ce pas ? C'est juste. À nouveau, « wa » est la particule qui indique un sujet. « Thaï » signifie « Thaïlande ». « Non » est une particule qui lie deux noms. « Omiyage » signifie « un souvenir ». Les noms japonais conservent la même forme au singulier et au pluriel. C'est un souvenir de la Thaïlande. Donc, on dit « Thaï no omiyage », un souvenir de Thaïlande. On forme une proposition en ajoutant « des » après. Ainsi, on dit « それは Thaï no omiyage です。」 C'est un souvenir de la Thaïlande. Je vois. En japonais, le nom se place après le mot qui le précise. Si on veut dire « un souvenir des États-Unis », « États-Unis » se dit « America » en japonais. Donc, on dit « America no omiyage ». ありがとうございます。 Sakura dit « merci beaucoup », n'est-ce pas ? Oui, vous pouvez dire simplement « arigato ». Mais si vous ajoutez « gozaimasu », c'est plus poli. En disant « arigato », vous allongez la voyelle O dans « to ». Exerçons-nous à le dire lentement. ありがとうございます。 Vous l'avez bien dit? Alors, Anna répond どういたしまして? Je vous en prie. C'est la réponse habituelle lorsqu'on vous remercie. Lorsque vous dites どういたしまして, vous allongez la voyelle O dans Do. Exerçons-nous à le dire. どういたしまして? Sur ce, écoutons à nouveau le sketch de la leçon 2. La phrase clé du jour est これは何ですか? Qu'est-ce que c'est? Sakura-san. Hai, dozo. これは何ですか? それはタイのお土産です. ありがとうございます. どういたしまして? Passons maintenant à notre rubrique intitulée « Enseignez-nous, professeur ». La responsable de cette émission, la professeure Akane Tokunaga, nous enseigne le point d'apprentissage du jour. Aujourd'hui, je souhaite apprendre des phrases interrogatives. Alors, demandons-lui. Quand on pose des questions en japonais, on ne modifie pas l'ordre des mots. On ajoute simplement la particule « ka » à la fin des phrases, et on les dit en haussant l'intonation. Donc, これはお土産です. Ceci est un souvenir devient, à la forme interrogative, これはお土産ですか? Est-ce un souvenir? Confirmons maintenant ce que sont une phrase affirmative et une phrase interrogative. C'est un souvenir. これはお土産です. Est-ce un souvenir? これはお土産ですか? Et lorsque vous ne savez pas ce qu'est la chose placée juste en face de vous et que vous voulez demander ce que c'est, vous dites これは何ですか? Qu'est-ce que c'est? Vous pouvez également utiliser 何? Quoi? Pour demander l'heure en ajoutant 時. Heure, après. Ainsi vous dites 何時ですか? Quelle heure est-il? Également, vous pouvez demander combien il y a de personnes en disant 何? Avec ni, qui signifie le nombre de personnes, et en ajoutant 何人ですか? Combien y a-t-il de personnes? C'était notre rubrique Enseignez-nous, professeur. Voici maintenant notre rubrique Les mots descriptifs des sons, qui vous permet de découvrir les onomatopées japonaises, c'est-à-dire des mots qui contiennent des sons évoquant des bruits particuliers, des voix ou des comportements. Aujourd'hui, nous vous proposons des mots qui décrivent les sons produits par les gens lorsqu'ils marchent. Comment dit-on le son suivant en japonais? On dirait quelqu'un qui marche d'un pas pressé. Oui. Et la réponse est sta sta. Cela décrit une personne qui marche d'un pas pressé. Et y a-t-il une expression qui décrit une personne qui marche lentement? Noro noro. On dit qu'une personne marche noro noro lorsque cette personne marche lentement et que cela nous déplaît. On utilise aussi cette expression lorsque l'on est pris dans un embouteillage et que l'on est forcé de conduire lentement. C'était notre rubrique « Les mots descriptifs des sons ». Nos sons de mots aujourd'hui étaient sta sta et noro noro. Avant de terminer, Anna se remémore les événements de la journée et ses tweets. C'est la rubrique Les tweets d'Anna. Le rêve de Sakura-san est d'enseigner le japonais à l'étranger. Mon rêve, c'est de lire des mangas en japonais. C'est pourquoi je dois étudier, étudier et encore étudier. La leçon 2 vous a plu? Notre phrase clé aujourd'hui était これは何ですか? Qu'est-ce que c'est? La prochaine fois, Sakura fait faire un tour de l'université à Anna. Nous comptons sur vous pour cette prochaine leçon.